Petit rappel. Caton, homme politique romain du IIe siècle avant notre ère, fut un des plus fervents défenseurs des vertus républicaines. Le poète grec Hésiode vécut au 8e siècle avant notre ère, et Euripide, le dramaturge grec, au 5e siècle avant notre ère. Au sujet de ces parleurs frivoles et importuns, qui, sans jamais s'arrêter à rien de solide, donnent un libre essor à l'intempérant de leur langage, on a dit avec raison que les paroles naissent sur leurs lèvres et qu'elles ne viennent pas de leur âme. Une langue ne doit point s'agiter au hasard et sans règle, mais s'assujettir par un lien intime à la pensée et ne se mouvoir que pour lui obéir. Cependant, combien d'hommes ne voit-on point qui répandent un déluge de mots dénués de sens et avec une sécurité et une aisance telles qu'ils semblent plus souvent ignorer eux-mêmes qu'ils parlent. Homère dit que les paroles d'Ulysse, ce héros si sage et si éloquent, sortaient de sa poitrine, au lieu de dire qu'elles sortaient de sa bouche. Paroles qu'il faut moins rapporter au son de la voix et à l'accent d'Ulysse qu'à la profondeur de ses pensées. Le même poète a dit, avec beaucoup de raison, que les dents sont un rempart opposé à l'impétuosité de la langue, qu'ainsi l'irréflexion des paroles peut être non seulement arrêtée par l'attention et la vigilance de l'esprit, mais réprimée par la garde placée, pour ainsi dire, dans la bouche. Je crois bon de citer aussi un passage de Marcus Tullius Cicéron, où cet orateur blâme, avec autant de sévérité que de raison, cette abondance frivole et stérile de paroles. « Mais qu'il demeure bien entendu, dit Cicéron, qu'il n'y a aucun éloge à donner à ceux qui, tout à fait étrangers à l'art de la parole, ne peuvent exposer ce qu'ils savent, ni à ceux qui, sans instruction aucune, parlent avec élégance et avec abondance de ce qu'ils ignorent complètement. S'il fallait choisir, je préférerais le savoir sans éloquence à un frivole bavardage. » Dans son premier livre intitulé « De l'orateur », on trouve encore ces mots. Qu'y a-t-il de plus déraisonnable que des phrases brillantes et pompeuses qui fablent l'oreille d'un vain bruit et ne présentent à l'esprit ni pensée ni instruction? Mais l'ennemi le plus acharné de ce défaut est sans contredit Marcus Caton. Dans son discours intitulé « Si Célius s'est appelé tribun du peuple », il s'écrie « Jamais il ne se tait, celui qui t'atteint de la maladie de parler. Il ressemble à l'hydropique qui dort et boit sans cesse. Cet homme est tellement pressé du besoin de parler que si les gens qui l'invitent ne viennent pas, il louera un auditoire. Ses paroles frappent vos oreilles sans vous persuader. C'est un charlatan dont vous entendez les paroles, mais auquel vous garderez bien de vous adresser en cas de maladie. » Hésiode, le plus sage des poètes, dit que une langue capable de se contenir est un trésor parmi les hommes. Jamais elle ne plaît davantage que lorsqu'elle sait se modérer. Et j'ai entendu Favorinus citer ces vers d'Euripide. Une bouche sans frein, une folie sans borne, ont ordinairement une fin malheureuse.